Le sourire au pied de l'échelle, Henri Miller, séquence 3. Auguste, Auguste, n'en finissait-elle pas de crier, dire que je ne t'avais pas remis? Auguste pâlit à ces mots. C'était la première fois depuis qu'il s'était mis à errer comme une âme en peine qu'on le reconnaissait ainsi. La femme s'agrippait toujours à lui, le serrant comme un étau. Et voici qu'elle l'embrassait, d'abord sur une joue, puis sur l'autre, puis sur le front, les lèvres. Auguste tremblait comme une feuille. « Je voudrais bien un morceau de sucre, si possible, » implora-t-il, dès qu'il réussit à se dégager. « Du sucre ?»« Oui, » dit Auguste, « pour le cheval. » Pendant que la femme rentrait farfouillée dans la roulotte, Auguste s'installa comme chez lui sur les petites marches déployées. Le museau du cheval lui léchait la nuque, et c'était comme un frisson de velours. Ce fut l'instant précis que choisit la lune, par une étrange coïncidence, pour franchir d'un bond la barre des arbres à l'horizon. Une paix merveilleuse descendit d'un coup sur Auguste. Le bref espace de quelques secondes, tout au plus sûrement, il goûta une sorte de sommeil crépusculaire. Puis la femme revint, légère, sa jupe large effleurant l'épaule d'Auguste lorsqu'elle sauta sur le sol. « Mais tout le monde te croyait mort, » dit-elle. Ce furent ses premières paroles, pendant qu'elle s'asseyait dans l'herbe à ses pieds. « Et tout le monde te cherchait, » ajouta-t-elle vivement, lui tendant un à un les morceaux de sucre. Auguste, muet, l'écoutait bavarder à tort et à travers. Le sens des paroles le pénétrait lentement, très lentement, n'atteignant ses oreilles que comme au terme d'un long voyage. L'enchantement, c'était la délicieuse sensation qui se répandait dans tout son corps chaque fois que le museau tiède et humide du cheval léchait la paume de sa main. Il revivait intensément cette sorte d'état médiat qu'il connaissait autrefois, le soir, au pied de l'échelle. Ce temps immobile entre le lent retrait de la béatitude et la folle explosion des applaudissements qui lui parvenaient toujours comme un roulement de tonnerre à des kilomètres de là. Pas un instant, Auguste n'eut l'idée de retourner à l'hôtel rassembler son maigre bagage. Il étala une couverture sur le sol, près d'un feu, et enfermé comme au verrou dans le cercle magique des roues et des chariots, il s'allongea, veillant, suivant des yeux la course pâle de la lune. Quand, enfin, il ferma les paupières, sa décision était prise. Il irait avec ses troupes. Il savait pouvoir se fier à ses gens, pour garder le secret de son identité. Aider à monter la tente, dérouler les grands tapis, installer les accessoires, donner à boire aux chevaux et leur passer l'étrille, se livrer aux mille et une corvées que l'on requérait de lui, tout cela était joie pure pour Auguste. Il s'oubliait, s'abandonnait, dans la poursuite de ces humbles et rudes tâches dont ses jours étaient pleins. De temps à autre, il s'accordait le luxe d'assister en spectateur aux représentations. Et c'était avec des yeux neufs qu'il notait l'habileté et le courage de ses compagnons de voyage. La mimique des clowns particulièrement l'intriguait. Parade muette, dont l'éloquence prenait maintenant pour lui bien plus de force que lorsqu'il était du métier. Il jouissait d'un sentiment de liberté dont, comme exécutant jadis, il se dépossédait. Oh! C'était rudement bon d'être débarrassé de son rôle, de se plonger entièrement dans une routine de vie, de devenir poussière. Et cependant, oui, de savoir que l'on faisait encore partie de tout cela, qu'on se rendait encore utile, plus utile ainsi même, peut-être. Par quel aveuglement avait-il pu s'imaginer que, faisant rire et pleurer des êtres, il leur dispensait une immense faveur? Il ne recevait plus d'applaudissements. Fini les tempêtes de rire, l'adulation. Ce qu'il recevait valait 100 fois mieux, était une nourriture tellement plus riche. Des sourires. De gratitude? Non, mais de consécration. On l'acceptait de nouveau comme un être humain, et pour lui-même, pour ce qu'il pouvait y avoir en lui qui le distinguait de ses semblables et en même temps l'unissait à eux. C'était comme une menue monnaie que l'on vous tend et qui, lorsqu'on est dans le besoin, ravive et réchauffe le cœur comme jamais ne le pourraient de gros billets. Sous la chaleur de ses sourires qu'il engrangeait comme grains mûrs, il n'était pas de jour où Auguste ne s'ouvrit, ne s'épanouit de nouveau. Doté de réserves intarissables de bonté, il était toujours avide de faire plus qu'on exigeait de lui. On ne pouvait jamais trop lui demander. En cela se résumait son sentiment, désormais. Il y avait une petite formule qui ne cessait de se répéter tout bas en vaquant à ses travaux. « À votre service ». Avec les bêtes, il ne craignait pas de le dire tout haut puisqu'il n'y avait nul besoin de leur sceller des mots si simples. « À votre service », disait-il à la jument, en lui faisant glisser le sac de grains par-dessus les oreilles. Et de même aux phoques, en tapotant affectueusement leur dos luisant. Parfois aussi, sortant de l'énorme tente, en trébuchant dans la nuit frémissante d'étoiles, il levait les yeux, comme s'il avait voulu percer le voile qui protège nos regards de l'univers dans sa gloire, et il murmurait tendrement, révérament, « À votre service, grand Seigneur !» Jamais Auguste n'avait connu une telle paix, ni pareil contentement, ni joie si grave et si durable. Les jours de paye, il allait en ville avec son maigre salaire et se promenait de boutique en boutique en quête de cadeaux pour les enfants et pour les animaux aussi. Pour lui-même, une pincée de tabac. Et c'était tout.